Ouais, ça c'est une bonne bière. Puis ça me fait penser que c'est le temps de la 16e saison de Skyponka. I want to be a cowboy. I'm going to be a cowboy. I'm born to be a cowboy. I want to be a cowboy. A cowboy! and in a suit, and I'm black, and they're black. Well, they were out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk, and they walk, I choose, and they choose, and I shoot it, and they shoot, and I fly, and they fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, the girls are frisking out for scope. I feel a little cheek wherever you go. Oh, and I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Les Ramones avec Rockaway Beach ainsi que California Sun. C'est le camarade B qui vous accueille pour cette 716e émission de Sky Punka en ce vendredi 6 juillet. Mais j'ai aucune idée de quand ça sera diffusé par contre. Et oui, les bons vieux Ramones. Y'a-tu fait chaud cette semaine hein, quand même? Hein? Ouais, mettons que ça m'a influencé à mettre ces deux tunes-là. Pis là, ben là, on continue encore avec une affaire qui parle de soleil. The Queers avec Hawaii, extrait de leur bon vieil album Move Back Home. Après ça, Screeching Weasel, ben oui, encore de la vieille affaire. La chanson Fathead et puis Something Wrong, parce que des fois, il y a des affaires qui vont mal. Pis des têtes enflées, c'est là pour faire chier. Et puis après ça, Sex Pistols avec Holiday in the Sun. Pourquoi? Parce que demain, ça va être le Holiday in the Sun. Yeah, le soleil. Sans la maudite humidité fatigante. Yes, sir. Allez, let's go. The Queers, Hawaii. Do you wanna go straight to Hawaii? Hawaii. Straight to Hawaii. Oh, do you wanna go? Yeah. alors c'était les Sex Pistols avec Holiday in the Sun, et puis tout juste avant on avait eu The Queers avec Hawaii, ainsi que Screeching Weasel avec Fathead et puis Something Wrong. Maintenant on s'en va en Allemagne avec Fort Promail et la chanson Vinyl, extrait de l'album Vinyl paru en 2014. Après ça, Rixton Cats de France avec Il est temps, extrait de leur plus récent album studio paru en 2012 qui s'appelle Quartier Maudit. Et vous allez avoir la version vinyle parce que je l'ai en vinyle. Et après ça, Smart Boys avec, ben oui, encore du vinyle. Une chanson que j'ai fait jouer la semaine passée et que je vous fais rejouer parce que dans le fond, j'ai fait découvrir leur EP la semaine passée. Puis là, ben, je vais avec une toune d'eux autres parce que ça me tente. Puis parce que c'est la chanson Rock and Roll Love Song, extrait de leur EP qui s'appelle I'm a Lion, que vous pouvez retrouver sur Crowd Control Media depuis cette année. Ouais, genre, pas grand temps. Ça fait pas longtemps. Ouais, ok. Allez, fait que là, c'est le temps de dire qu'on s'en va en musique avec Fort Promail et la pièce Vinyl. Unterwegs in die Altstadt. Jeden Monat das gleiche Spiel. Wir brauchten Vinyl. Still und heimlich gaben wir unserem Drang nach. Du bist die Schönheit mit Format, auf der sich unsere Welt befand. Yeah. du métro, raison de pas presser. Travailleur honnête, soucieux et affairé, tracer sa route sans sourciller, sans prêter attention aux jeunes soldats armés qui sur les gens relâchent ce balai bien huilé. Une foule anesthésiée prête à tout accepter. Yeah. alors c'était Smart Boys avec Rock'n'Roll Love Song, et au début du bloc on a eu Fall Primal avec Vinyl, puis après ça Bricks and Cats avec Il est temps. Maintenant, on s'en va en ska avec The Follymans et la chanson Living in Crosshair, qui est une de leurs chansons, je dirais, moi, les plus tranquilles de leur tout nouvel album, là. Qui vient de paraître sur Pirate Press, qui s'appelle Look to the Skies. Donc, on pourrait dire que cette chanson Living in the Crosshair, ça parle pas mal à ce qu'on retrouvait dans les chansons songées des bands two-tone des années 80. Ouais, en tout cas, vous allez voir ça. Et puis, après ça, on va avoir The Bar Stool Preachers et la chanson Grazy Governo. Chanson à paraître sur leur prochain album qui sera sur Pirate Press, mais qui pour l'instant se retrouve également sur un single portant le même nom et qui est très rare. Si vous mettez la main sur le single, ben achetez-le parce qu'il est rare. En même temps, si vous avez la version très mince en les voyant dans leur show, là, ben ça aussi ça va être rare parce qu'il n'y en a quand même pas des millions d'exemplaires. Et puis, après ça, eh bien, on va avoir The Specials avec Little Bitch. Parce que, ça semble, ça fit vraiment gros avec du Barstool Preachers. Ils ont, je sais pas, la guitare, la bass, ça semble, ça fit ensemble, hein. C'est comme deux bands qui fitteraient dans un show ensemble. Puis après ça, ben, on va avoir Mad Bomber Society, qui nous vient de l'Ouest canadien avec la chanson Drunks. Celle-là, c'est une pièce punk. Mais après ça, on va avoir leur tune reggae, Summer Girl. Ce qui est drôle, c'est que Drunk, c'est la dernière pièce de l'album, puis Summer Girl, c'est la quatrième, mais je trouvais que ça s'enchaînait merveilleusement très bien, de cette façon-là. Ouais. Fait que sur ce, let's go. Et ça commence avec The Follymans et la chanson Living in Crosshair. Tout cela à Skypunk, émission 716. Decay and disease. Can you find a reason to stay here anymore? Race your mother to hospital. Nothing that they could do. The medication on the sanction list. Love her in for sadie. Raise her main wall on the fence. Killers in suicide vests. In a cacarous nightmare. Sick of living in the crosshairs. Raise her blades on the fence. Killers in suicide vests. In a Catharist nightmare. Sick of living in the. You got out with the youngest. White phosphorus all around. Heard the sorry tales of those who stuck around. With nothing left to strive for. How a life soon wastes. So you offer the last of what you own. Sets out to a watery grave. Raise a main wall on the fence. Killers in suicide vests. In a Catharist nightmare. Sick of living in the crosshairs. Raise the blades on the fence. Killers in suicide vests. In a Catharist nightmare. Sick of living in the. Papers tell just how welcome you are. When the system don't kill a fuck. Your sufferings are shame. So this one's for Abraham Ishmael. And the other Charlie's in a grateful flame. Raise a blade on the fence. Killers in suicide vests. In a Catharist nightmare. Sick of living in the crosshairs. Raise the blades on the fence. Killers in suicide vests. In a Catharist nightmare. Sick of living in the. Raise a blade on the fence. Killers in suicide vests. In a Catharist nightmare. Sick of living in the. and we ain't scared. Laugh about it with your peers. It won't make a single bit of difference. Dish your natural powers from your ivory towers in Washington, Berlin, or London. But there's a place I know just outside Bow where there are children screaming. Mum and dad are broken beat, trying to make ends meet just to give their lives a little bit of meaning. I got a box of matches, let's show them what we mean. We'll march together, time to make a scene. Let's chop down all the lies they built. It's fuel for a fire, let's test their own free will. We'll warm ourselves as they burn, we'll laugh as they run. The times they've put us through can't be undone. Everybody learn to stand once more. This is the fight you're waiting for. This ain't another sentimental love song. You kept the working man down for far too long. Now the writing's on the wall. Do you see what he meant when he wrote with a sneer? Thank you, government. Thank you, government. Come on now, my friend, dance with me until the end. This world wants to stand between us. This time their empire dies, it's in decline, and I can hear it crumble. They tread on me and you like we knew they'd do. They tread on those that can't fight back to. I've got values I can't ignore. This is the fight I was born for. This ain't another sentimental love song. You kept the working man down for far too long. Now the writing's on the wall. Do you see what it meant when he wrote with a sneer? Thank you, government. Thank you, government. Thank you, government. Thank you, government. When he wrote with a sneer, thank you, government. Thank you, government. Thank you, government. Thank you, government. She knows that you love her, so she holds you tight all through the night. She tells wrong, so get your mugs in the air. And if your other hand's free, flash the horns. You're drunk and you don't give a fuck. All your fucking friends are just a bunch of fucking drunks. Day's gonna come when you're running out of luck. You don't give a fuck cause you're just a fucking drunk. Come! Sugar, the people were too damn sweet. And everybody was so happy all the time. I couldn't stand it cause I knew that the summer was all mine. If you recall, I was born under the blazing sun. When that season's over, I'll turn shine. Whatever has been wrong is now returned to right. And in the sunshine, I'll do my best to stay drunk every night. Things will work out right for me. Take to the road with the heat and this society. If you recall, I was born under the blazing sun. When that season's over, I'll turn my back and run. In the sunshine, whatever has been wrong is now returned. And in the sunshine, I'll do my best to stay drunk every night. In the sunshine, whatever has been wrong is now returned to right. In the sunshine, I'll do my best to stay drunk every night. C'était Matt Bomber Society avec la chanson Summer Girls. Et tout juste avant ça, on a vu la pièce Drunks, qui était vraiment le plus heavy. Et au début du bloc, on a vu The Follymans avec Living in Crosshair, The Bars True Preachers avec Grizzly Governo, ainsi que The Special avec Little Bitch. Maintenant, on s'en va en grosse musique avec Tagada Jones et la chanson Envers et contre tous. Notez que Tagada Jones seront en spectacle à Montréal le 15 juillet avec Tuka Tukas, dans le cadre, bien sûr, de la tournée de Tuka Tukas, qui va avoir lieu du 13 juillet au 22 juillet, avec pas mal, beaucoup, The Horny Beaches, sauf le show avec Tagada Jones, qui est le 15, mais sinon toutes les autres dates, là, allez voir ça là, sur le Facebook ou bien sur le n'importe quoi d'autre là, de Tuka Tukas et des Horny Bitches sur Internet. Là. Vous allez voir ça. Là. Tout est annoncé. Mais sérieusement, allez sur le Facebook de Tuka Tukas ou des Horny Bitches. Là. Puis c'est vraiment clairement très bien indiqué. Fait que ne manquez pas une des dates de Tuka Tukas avec les Horny Bitches. Puis sinon, ben, n'oubliez pas aussi que Tagada Jones seront là. Le 15. Au fouf. Puis pour Tuka Tukas, on va entendre la chanson Red Blood avec aussi Race Couillon, Racine Tatane. Ça, c'est la chanson qui vient clore l'album Race Couillon, Racine Tatane. Tandis que, ben, c'est Red Blood, la chanson thème de l'album Red Blood. Puis après ça, ben, on va avoir The Horny Bitches avec la seconde version de la pièce Necromaniac. Allez, let's go. Et ça commence avec Tagada Jones et Envers et contre tous. Take it! yeah, The Horny Bitches avec Necromaniac. Et au début du bloc, on avait eu Tagada Jones avec Envers et Contre Tous, ainsi que Tukatukas avec Red Blood et Rascouillon, Racine, Tatane. Je pense que dans mon entrevue que je vais faire avec eux, je vais leur demander c'est quoi ça, Racine, Tatane. Et puis là, on s'en va en musique avec un bloc de folk punk qui va commencer avec Street Dogs et la chanson Angel Calling. Pièce où, à la fois au vocal, on a bien sûr Mike McCougan, mais aussi un nouveau guitariste de Street Dogs qui se retrouve à être, dans le fond, celui qui était le guitariste avant pour la formation Dogbuster, qui maintenant s'appelle The New Dogbuster, c'est-à-dire Lainey Lashley. Et puis, c'est sur le tout nouvel album de Street Dogs, qui s'appelle Stand for Something or Die for Nothing. Après ça, The Mahones avec Skeleton Sea, extrait de leur album The Hunger and the Fight Volume 2. US Bombs avec Jotune, et puis les 22 longs riffs, et la chanson Balle Populaire, qui est bien sûr la chanson au thème de leur plus récent album. Puis, la pièce aussi qui vient clore leur plus récent album. Sur ce, allez, let's go! Et ça commence avec Street Dogs et la pièce Angel Calling. All like some real motherfuckers, baby, we ain't got no worries. Stripped of our pride. Nighttime and winter, we begin our journey, unaware of all of this. Born into this cold, cold place, but I fear we all must face. It seems like some of us can't take this. Many of the good ones now are gone. Others aren't afforded on that luxury. They just have to say that what will be, will be. Friends we've had and ones we've lost, we must move forward at all cost. Their memories with us in this I'm washed ashore in New York City. Into the land of the free. Throw the bodies overboard. The ones who died the night before. world will follow. We'll be singing this tune. Whole world will follow. We'll be singing this tune. Whole world will follow. We'll be singing just tune. Yeah. Thank you. Yeah, bal populaire de 22 non-riffs. Et tout juste avant cela, on avait Street Dogs avec Angel Calling, The Mahones avec Skeleton Sea, ainsi que U.S. Bomb avec Jew Tune. C'est sûr que la pièce des 22 non-riffs avait juste comme le début qu'on peut dire folk, puis la fin bien sûr aussi. Mais, avouez que ça fitait très bien avec ce bloc. En tout cas, là, on s'en va en punk avec La Gâchette et la chanson Vengeance. Pièce qui débute leur tout nouvel album 20 ans d'insoumission. Et d'ailleurs, leur nouveau vidéo là, s'appelle comme ça. Là. Ouais. Puis là, aussi, on va avoir une autre toune après ça. Après ça, ben là, on va enchaîner avec Les Ordures Ioniques et puis La Saga des Ordures, qui est une bonne vieille chanson d'eux autres, là, qui se retrouvait sur leur album Je m'en viens sous. Puis, après ça, ben, on va avoir Route Saint-Louis avec une des pièces de l'album Punk de Chalet, c'est-à-dire la chanson La vie passe trop vite. Ces trois groupes-là, là, si vous voulez les voir, là, sont en spectacle le 7 juillet, c'est comme vraiment bientôt. Là. C'est peut-être demain, tout dépendant de quand que je mets l'émission en ligne. Mais en tout cas, c'est samedi, le 7 juillet, là, ben c'est là le show. Fait que samedi, le 7 juillet, Les Ordures Ioniques, La Gâchette et Route Saint-Louis sont à Terrebonne, dans un bar qui s'appelle le Transit Bar, qui se trouve au 115 rue Saint-Louis, à Terrebonne. Ne manquez pas ça. Sur ce, let's go, musique, avec Vengeance de La Gâchette. What the fuck, yo! Me libérer, me venger jusqu'à la mort. Mes réactions sont en plus. Vivons-nous pour travailler ou travaillons-nous pour vivre? Sommes-nous en train de vivre la vie qu'on aurait voulu mener? Est-ce qu'on oublie le sens de la vie tellement elle nous fait rocher? Puis même si on bûche toute notre vie, on va quand même tous crever. La vie passe trop vite pour qu'on ne fasse pas ce que l'on aime. La vie passe trop vite pour qu'on en arrache même. L'important c'est d'être passionné par quelque chose en particulier. La passion nous fait oublier tout ce qu'on a enduré. Faut prendre soin de ses amis, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Une soirée passée avec eux, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de mieux? La vie passe trop vite pour qu'on ne fasse pas ce que l'on aime. La vie passe trop vite pour qu'on en arrache même. Pour qu'on ne fasse pas ce que l'on aime. La vie passe trop vite pour qu'on en arrache de même. Pour qu'on en arrache de même. La vie passe trop vite pour qu'on ne fasse pas ce que l'on aime. La vie passe trop vite. Yeah, alors c'était Route Saint-Louis avec la chanson « La vie passe trop vite ». Et au début du bloc, on a eu la gâchette avec « Vengeance » ainsi que les ordures ioniques et leur bonne vieille chanson « La saga des ordures ». Et maintenant, on enchaîne avec « Anti Nowhere League » et une de leurs chansons assez récentes, là, c'est-à-dire la chanson qui s'appelle « Brick by Brick », pièce qui venait clore leur album « The Cage » paru en 2016. Et puis après ça, on va aller faire un tour aux États-Unis avec Assault and Battery et la chanson Tree on the Den. Voyons, Tree on the Floor plutôt. On va lâcher le dance floor là. En tout cas, Tree on the Floor qui se retrouve sur leur album All the Shade of Truth paru en 2016. Si vous avez jamais vu ce groupe-là, allez les voir. Ils sont vraiment bons en show. Et puis après ça, on va avoir de New York Guns Don't Run et la pièce Drink Tonight, pièce que vous pouvez retrouver sur leur album qui s'appelle First Shot on Us. Et ça, c'est sur Crowd Control Media. Et puis après ça, eh bien, vous allez avoir de Grande-Bretagne Hardskin et trois pièces issues de deux albums différents. Tout d'abord, That's Bollock Mate, qui elle se retrouve sur l'album avec les filles qui se tiennent avec les Hardskin, c'est-à-dire la chanson, ouais, pas la chanson, mais l'album Why Do Birds Suddenly Appear, qui est sur GT Classics, enfin, en tout cas pour le vinyle, qui est sorti en 2013. Puis après ça, les deux pièces qui viennent clore l'album Same Meat Different Gravy, qui elle aussi est sur GT Classic. Là. Donc les chansons Still Fighting Thatcher ainsi que Skin Hard. Yeah! Du bon vinyle. Sur ce, allez, on y va sans plus tarder avec Anti Nowhere League et la pièce Brick by Brick. Well, it's another great day here in the city. The shares are opening. ocean, doubting everything he sees. A fool will build his house on promise that will bring him to his knees. But in this world, we are creating everything that we are hating. Fool's gold is what we're making. Brick by brick, we'll build our castle. Brick by brick, we'll watch it fall. Giants, and we'll build them high, and we'll build our castles high in our sky, and we'll build the new world, and we'll build it fast, and we'll live forever. passing by as a liquor drink that fits in wine. I wanna see my boys and drink some beer tonight. Finish up the work day, ring up the crew. We know that we're gonna drink tonight. Tonight, drinking tonight. Standing with our brothers, better line up the crew. We know that we're gonna drink tonight. Tonight, drinking tonight. Yeah! Bon, ben là, c'est rendu le temps de se quitter. Merde, qu'est-ce que j'ai là? Ah, bien sûr que je dis qu'est-ce qu'il vient de jouer. Bon, qu'est-ce qu'il vient de jouer? Ben, en tout cas, on a eu Hardskin avec That's Bullock Mate, ainsi que Still Fighting Thatcher, et puis Skin Hard. Et au début du bloc, on avait eu Into Nowhere League avec Brick by Brick, Assault and Battery avec Three on the Floor, ainsi que Guns Don't Run avec Drink Tonight. Maintenant, là c'est le temps de le dire. On se quitte avec Béton Armé et puis Pendule à l'heure. Pièce qui se retrouve sur leur démo que vous pouvez retrouver sur LSC Record depuis pas grand temps, c'est-à-dire cette année. Et puis après ça, ben Guérilla Poubelle avec deux chansons qu'on va enchaîner une dans l'autre, issues de deux albums différents. Wow! Donc tout d'abord, le pour et le contre qui se retrouve sur leur album qui s'appelle Inferno. Puis après ça, on va enchaîner ça avec une chanson qui se retrouve sur la nausée, c'est-à-dire Les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées, paru en 2017 sur bien sûr Guérilla Assaut, tout comme l'album précédent, mais qui était en 2016. Et puis, après ça, on finit le tout en beauté avec un cover de Slapshot par No Time, c'est-à-dire la chanson Hang Up Your Boots. Sur ce, bye bye. Et à la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre émission de Skypunka. Sur ce, let's go. C'est Béton Armé avec Pendule à l'heure. Yeah! j'apaise le bout de compte. Et comme t'aimes encore souvent, j'apaise le bout de compte. Et j'apaise le bout de compte. Et j'apaise le bout de compte. Sorcières, les fils et les filles des sorcières. skull bunker. United we stand, divided we fall. Everywhere your roof is coming down. Revolutions on the ground, the end of history. How come you look so damn confused? Got something to lose, sure looks that way to me. Fair, you take it all, just get some music. There's no solution you can't choose. It doesn't matter if you win or lose. Too late when you found the back door. Because we're on the ground tonight. It's all turning back. We're on the thugs with iron crowns. We know where we belong. There's no closing time. The plague's all out there. Punkland et au mouvement sportif.